Aldona, par Léopold von Sacher-Masoch. Noël approchait. La fertile plaine de la Galicie orientale, ordinairement couverte de moissons dorés, disparaissait sous les plis d'un épais manteau de neige. Les villages, entourés d'eau aux remparts blancs, semblaient transformés en forteresses d'hiver, tandis que çà et là, quelques manoirs solitaires, anciennes résidences des voïvodes, dressaient dans l'air ses pignons noircis et ses tourelles aiguës, frangées de brillantes aiguilles de glace. Au bord de la grande route impériale qui coupe le pays à l'est, on voyait les huttes basses du bourg de Kamienge, avec leurs toits de chaume déjetés par la bise, baignant dans la fumée qui s'effraie un passage, rendu difficile par l'absence de cheminée. On arrivait à la seigneurie par une longue avenue bordée de peupliers, dont les troncs dépouillés s'alignaient, semblables à des balais gigantesques, et où s'abattait une nuée de corneilles. Des moineaux affamés sautillaient dans les buissons ou se pelotonnaient en piaillant sous les lucarnes des greniers. Quant au château, que ne protégeait ni mur ni haie, c'était un bâtiment large et élevé, sans ornement, devant lequel s'étendaient de vastes dépendances. Si quelques passants, poussés par la curiosité, eût regardé à une des fenêtres du rez-de-chaussée, il aurait vu les domestiques, vêtus pour la plupart du costume petit russien, assis en cercle sous les images des saints qui tapissaient les murailles. Le cocher et le valet de chambre jouant en cartes, la vieille nourrice de la baronne délectant les jeunes servantes par le récit des légendes de Khmelnytsky, du chef des Cosaques, Twardowski, le magicien, et du Faust de la Pologne. Et si ce même passant avait poussé la malice jusqu'à grimper sur un des grands tilleuls qui entourait la maison peinte en blanc, il eût pu examiner à son aise l'appartement de Madame de Kamienge, grâce à la lumière qui en éclairait les fenêtres, et contempler la baronne, établie devant un feu pétillant, les pieds à la flamme croisés sur une immense peau d'ours, et feuilletant un volume usé dont les pages tombaient. En voyant cette jeune veuve de 25 ans à peine, née dans l'opulence et à qui tout semblait sourire, nul n'aurait compris qu'elle préférât la vie retirée et monotone qu'elle menait sur ses terres aux fêtes et aux triomphes de la capitale, car Aldona était spirituelle et d'une rare beauté. Étendue sur un fauteuil de damas, fort bas, avec sa longue robe de velours, sa casabaïque garnie de martre et sa belle tête rêveuse couronnée de tresses d'ébène, on le prise facilement pour une déesse en exil, ou tout au moins pour une majesté détrônée. Tout était tranquille autour d'elle. Par intervalles, les aboiements enroués des gros chiens-loups qui montaient la garde dans la cour éclataient brusquement au dehors. Aldona ne bougeait pas. Elle n'entendait ni les hurlements des chiens, ni les craquements du bois sec dans l'âtre, ni le chant du grillon blotti sous quelques dalles usées. Sa lecture l'absorbait tout entière. Elle ne leva point les yeux lorsque des pas retentirent dans le vestibule et qu'un homme entra dans la chambre. Il s'accordait si parfaitement avec la femme couchée devant lui qu'on l'eût créé exprès pour elle. Il n'était pas beau, cependant, et ne possédait pas ce cachet aristocratique que décèle chacun des mouvements de la jolie lectrice. Mais sa physionomie, comme toute sa personne, révélait des qualités rares et un caractère solide. Igor Maniev habitait une propriété dans le voisinage. Sa taille était au-dessus de la moyenne. Ses membres forts et bien proportionnés ne le rendaient ni lourd ni disgracieux. Malgré son nez fortement busqué, son menton rond aux lignes sévères et ses sourcils sombres et touffus, son visage bistré respirait la bienveillance. Ses grands yeux clairs étincelaient de vivacité. Quand il parlait, personne ne pouvait résister au charme de sa voix ni à ses raisonnements clairs et décisifs. Bonsoir. Commença-t-il après avoir arrêté un moment sur Aldona des regards d'affectueuse sympathie. La jolie femme tressaillit. « Oh, c'est vous, Igor ? » balbutia-t-elle toute confuse en glissant son livre dans la poche de la casabaïka. Elle se leva, s'avançant au devant de lui et mit sa petite main fraîche dans celle qu'il lui tendait. « Je vous dérange, madame, » répondit Igor. « Pardonnez-moi. Par bonheur, ma faute peut se réparer. Je vais m'asseoir ici, dans ce coin, et jouer avec Néron en attendant que vous ayez fini votre lecture. » Néron était un gros chat noir qui avait dormi jusque-là inaperçu près du foyer tiède de la cheminée. Réveillé à ce moment par la voix bien connue d'Igor, il étira voluptueusement ses membres et salua le nouveau venu d'un ronron amical. « Ma lecture, » fit Aldona, « mais je ne lisais pas du tout. » Igor sourit. « Vous me donnez une excuse à laquelle je ne m'attendais pas, et qu'il ne me fût jamais venu à l'idée d'exiger, » ajouta-t-il. « Cela me prouve que mes leçons n'ont pas été complètement perdues. » Vous dévorez toujours de mauvais livres, mais au moins vous en rougissez. Et qui vous le prouve ? Demanda la jeune femme. La poche de votre casabaïque qui semble se glorifier plus que vous du roman dont vous venez d'interrompre la lecture, car elle se gonfle d'une manière toute particulière en vérité. Se disant, Igor frappa légèrement du doigt sur le livre qu'Aldona avait caché. « Vous vous trompez ? » repartit-il avec aigreur. « Oh, j'avoue que je ne suis pas infaillible, » répliqua Igor. « Mais s'il m'arrive d'affirmer une chose, c'est qu'elle est vraie. Montrez-moi ce livre. » La jeune femme irritée lui tourna le dos. Il tira délicatement alors le volume de la poche de sa casabaïka et l'ouvrit. « La dame aux camélias ! Mais Aldona, vous êtes incorrigible ! Et vous êtes... » Elle n'acheva pas. « Excusez-moi, » reprit-il après lui avoir rendu le livre, « mais je juge de préférence les hommes sur leur lecture avec plus de raison, je crois, qu'on ne le fait généralement sur leur mine, leurs vêtements ou leurs habitudes. Comme je me suis mis dans la tête de vous guérir, ma jolie malade, il est pour moi de toute nécessité d'éprouver de temps à autre l'effet de mes remèdes. Et c'est par l'examen de vos lectures que cela se pratique. Et je voudrais bien savoir, monsieur Manieff, demanda sévèrement Aldona, en se drapant dans sa froideur, comme dans un manteau d'hermine, « qui vous a donné le droit de me traiter comme une enfant ?»« Qui m'a donné le droit de vous dire la vérité, lors même qu'elle vous est désagréable ?» répartit Igor sans quitter le ton badin avec lequel il lui parlait. « Mais c'est la sympathie même que je ressens pour vous, pour votre sort. C'est l'intérêt que m'inspire une femme restée simple et pure, malgré son éducation mondaine, en dépit de la vie facile et exempte de devoirs qu'elle a menés. Ou bien me serais-je trompé par hasard ?» Dites-moi que le prestige attaché par la société à un grand nom suffit à votre bonheur. Dites-le, Aldona, et je me tairai. Vous savez bien, Igor, que j'ai horreur du grand monde et de ses fades plaisirs, répondit la jeune femme. S'il en était autrement, est-ce que je serais ici? Avouez néanmoins que la vie présente peu de joie réelle, et qu'il n'est pas étonnant si nous n'en faisons pas beaucoup de cas. Ne vous plaignez pas de la vie. Chacun a la part qu'il réclame, la part qu'il mérite, répliqua Igor. Remarquez que ce n'est pas ce que nous obtenons facilement, ce que nous possédons sans partage, qui nous contente, mais bien plutôt ce qui nécessite une lutte, des efforts, ou le désir de ce qui nous promet une satisfaction. La plupart des hommes travaillent jusqu'à leur dernier soupir à acquérir des biens matériels. Vous, Aldona, qui en êtes abondamment pourvu, vous ne savez qu'en faire, ils vous ennuient, ils vous sont à charge. Une fortune que nous n'avons pas amassée nous-mêmes n'est plus une fortune. « Je comprends parfaitement cela, et ne vous fais pas un reproche d'être blasé. Une seule chose m'étonne. Vous paraissez n'avoir jamais songé qu'il y a dans ce monde d'autres biens à acquérir que la beauté, la richesse ou le bien-être, et que ces mêmes hommes, qui gagnent leur pain à la sueur de leur front ou qui luttent toute leur vie contre l'adversité, ignorent les tortures de l'ennui. Vous n'avez pas à travailler pour vous-même, travaillez pour les autres. Donnez-vous une tâche. Premièrement une petite, ensuite une grande. Créez-vous chaque jour de nouveaux devoirs. Efforcez-vous d'atteindre quelques buts, avancez avec courage, et bientôt vous aurez chez vous l'hôte que vous avez toujours en vain désiré voir dans votre somptueuse demeure, ou à votre table digne de Lucullus, le contentement. « Et à quels travaux me condamnez-vous ? » demanda Aldona, qui, après avoir arpenté un instant la chambre, venait de se jeter sur une chaise longue. « Dois-je casser des pierres au bord des chemins, ou mener aux champs les oies du village ?» Comme tous les désœuvrés dont le temps se passe à souper au repas, ou devant leur miroir, vous avez ceci de particulier que vous plaisantez dans les moments les plus sérieux de votre vie, répondit Igor, non sans une certaine froideur. Demandez aux dames et aux jeunes filles nobles des provinces russes, s'il est possible, quand on demeure parmi le peuple, de manquer d'occupation. Ces dames, dont les mères ne connaissent rien de comparable à une table succulente, à de riches toilettes, à de nombreux adorateurs, ou tout au moins à quelques lectures légères, qui faisaient fouetter sans pitié leurs serfs, lorsqu'elles ne s'amusaient pas à les battre elles-mêmes, eh bien ces dames, dans les contrées où il n'y a pas d'école, ont entrepris l'éducation des enfants pauvres. Les docteurs font-ils défaut? Elles s'instruisent, elles suivent des cours aux universités, font une étude approfondie de la médecine et obtiennent la surveillance des hôpitaux de la campagne. Je ne vous les cite pas comme des héroïnes et ne vous engage nullement à les imiter, mais je trouve dans leur œuvre un but noble et enviable. Croyez-vous qu'il existe pour la femme, à côté de ses devoirs de ménagère et de mère de famille, qu'elle néglige si fréquemment, une plus belle vocation que celle de médecin ou d'instituteur de ce peuple qui fait la vraie base de la société? Je vois que vous voulez à tout prix faire de moi une étudiante, dit en riant la jeune et jolie femme qui alluma avec une désinvolture inimitable une cigarette à la flamme de la bougie. Peut-être, fit Igor, car avant d'entreprendre l'éducation des autres, il est nécessaire de sortir soi-même des nuages qui voilent l'intelligence. Pour soigner un malade, il faut se bien porter. Surtout, je voudrais vous voir prendre la vie plus au sérieux et introduire dans votre cœur ce baume si doux qu'on appelle l'amour. » À travers ses paupières demi-closes, Aldona lança à son ami un regard moqueur. « Vous avez beau me narguer, s'écria-t-il, ce que j'ai dit, je le maintiens. Vous devez aimer. Vous aimer ? Répéta-t-elle souriante. Pourquoi non ? Demanda gravement Igor. Quel ton solennel ! Raya Aldona. Quant à moi, je ne puis entendre parler d'amour sans être prise d'un faux rire. Dès qu'un homme, posséda-t-il au plus haut point le don de me captiver, s'imagine être amoureux de moi, il me devient insupportable. Cette déclaration me dit d'espérer. Comment cela ? Votre haine, madame, s'écria Igor, me prouve que vous vous éprendrez de moi aussitôt que je vous aurai fait l'aveu de mon amour. La jolie femme éclata de rire. C'est bien vrai. Dites que vous m'aimez. Oui, Aldona, je vous aime. Quelque invraisemblable que cela puisse vous paraître. Avec vos graves défauts et vos légers vices, je vous aime, un peu malgré moi, cependant. Je veux le croire, dit Aldona, devenue subitement sérieuse. Elle jeta sa cigarette dans la cheminée et se souleva à demi. Mais savez-vous que vous êtes peu galant ? Un tel aveu doit se faire à genoux. Elle n'avait pas achevé ces mots, qu'Igor se courbait à ses pieds. Alors elle l'examina un instant avec stupeur et partit d'un nouvel éclat de rire. « En vérité, vous êtes aussi ridicule que les autres !» s'écria-t-elle. Brusquement, Igor se redressa. Il s'inclina sans parler et quitta la chambre. Aldona bondit. Elle fit un geste, comme pour le retenir, mais la parole expira sur ses lèvres et la main qu'elle avait étendue vers lui retomba inerte sur le divan. Un moment encore, la jolie blasée s'abîma dans ses réflexions. Puis, tout agitée, elle se mit à arpenter la chambre, les bras croisés sur sa poitrine. Tout à coup, elle frappa du pied et secoua vivement le cordon de la sonnette. À l'ouïe de cette note stridente, la femme de chambre accourut. « Mon traîneau, ma pelisse !» commanda Aldona d'un ton bref et impérieux. Ses gens avaient l'habitude d'une prompte obéissance, car au bout de quelques minutes, la camériste lui annonça que le traîneau était attelé, et après l'avoir débarrassé de la casabaïca, l'aida à s'envelopper dans ses riches fourrures. Aldona posa sur sa tête un haut bonnet cosaque, de forme ronde, et descendit rapidement l'escalier. « Je sors seule, » dit-elle d'un air sombre. Elle monta dans le traîneau, s'assit au milieu des coussins, se couvrit des peaux qui le garnissaient et saisit les rênes. « Mais, madame, » fit observer le vieux cocher en se grattant la tête avec embarras, « vous ne devriez pas seule. »« Silence !» cria Aldona. « La contrée est remplie de loups et d'autres bêtes fauves que la faim a chassées des montagnes, » continua le vieillard. Aldona le regarda et donna l'ordre à un domestique de lui apporter ses pistolets, qu'elle passa dans sa ceinture. « Il faut bien que je parle, » reprit le cocher. « Un malheur est si vite arrivé. Pas plus tard qu'hier, de l'autre côté de la forêt, les loups ont attaqué une paysanne et l'ont mise en pièces. Ce serait peut-être mieux si je... » Mais Aldona ne l'écoutait plus. Elle brandit le long fouet sur les têtes noires de ses chevaux d'Ukraine et l'équipage fougueux l'emporta comme un tourbillon. C'était une course fantastique, celle qui enlevait ce traîneau blanc à tête de cygne, ses pétulants coursiers d'un noir d'ébène, et cette belle femme, vêtue de fourrure princière, à travers l'immense plaine, sans bordes comme l'océan et d'une lugubre monotonie. Lorsqu'Aldona rasa le ruisseau dont le murmure se taisait, étouffé par une couche de glace, les saules, qui étendaient leurs branches enveloppées de neige, semblables à des bras éblouissants, se dressèrent à ses yeux comme autant de spectres dans leur sueur. Ils se balancèrent tristement, poussèrent de longs soupirs et s'inclinèrent, menaçants, estompés par la sombre nuit d'hiver. Aldona détourna la tête et fit claquer son fouet pour dissiper tous ces fantômes. Les chevaux soufflaient avec peine. Les clochettes dont leur harnais était paré rendaient un son de plus en plus clair. Le traîneau craquait en gémissant. Ils longèrent un village où la neige menaçait de défoncer les toitures. Des colonnes de fumée, que le clair de lune changeait en vapeur d'argent, montaient dans l'air. Par moments, un aboiement sourd et lamentable, une prière chantée dans le lointain, unissait leur rythme plaintif. De petites lumières anxieuses pointillaient derrière les vitres, et de lourdes dentelles de glace se découpaient avec un chatoiement de pierres fines le long des poutres enfumées, comme un ornement posé de main d'homme. Une profonde solitude succéda. Le silence des ténèbres, la nature engourdie dans son linceul. Puis une taverne à demi enfouie sous neige. Ici, les violons délirent, les bastonnes et grondent, la cymbale pleure. Les sons enivrants des instruments semblent convier Aldona à la joie, à l'amour, au plaisir. Et comme elle leur tourne le dos avec mépris, ils la poursuivent longtemps encore, de leurs notes railleuses, de ces voix de lutin malfaisants, qui crient comme des enfants ou ricanent comme des damnés. À sa droite, voici déjà la forêt. Elle se dessine sur le ciel d'opale avec ses rameaux rabougris et entrelacés. Un massif de vieux chênes en forme l'avant-poste. Le traîneau les effleure dans sa course. De courbeaux en sortent, coassent, et balayant de leurs ailes noires les branches des arbres, disparaissent aussi vite qu'ils sont venus. Adona ne pense pas à tourner bride. Elle continue sa route sans but. Elle excite ses chevaux. Leur galop effréné lui donne la fièvre. Elle dégrave sa pelisse et s'expose avec volupté aux caresses âpres de la bise qui siffle à ses oreilles. Tout à coup, ses chevaux s'arrêtent d'eux-mêmes. Ils frémissent. À droite, à gauche, voici venir des perdus pareils à des feux follets. Ils s'approchent, ils reluisent. De nombreux hurlements percent le silence de la nuit. Adona écoute. Ce sont les loups. L'audacieuse Amazone ne faiblit pas un instant. Elle garde son sang-froid. Elle fouette ses chevaux et le traîneau vole avec la rapidité d'une flèche. Pas longtemps cependant. Épuisés par l'immense trajet qu'ils viennent de faire, les chevaux refusent d'aller aussi vite. La frayeur les paralyse. Les loups qui se sont élancés sur leurs traces s'animent par des cris de rage. Ils approchent toujours. Déjà, Adona les aperçoit. Sa vue se trouble. Une foule de souvenirs l'assaille. Par bonheur, ce qu'elle a entendu raconter des voyageurs dans cette terrible position revient à sa mémoire. Elle prend les coussins sur lesquels elle est assise et les lance sur la route. Elle jette aussi les fourrures qui l'enveloppent et fouette ses chevaux avec une nouvelle ardeur. Chaque fois, les loups font halte. Ils se ruent sur les objets qu'ils voient sur la neige, ils les flairent et les mettent en pièces. Adona gagne du terrain. Elle chasse ses chevaux avec une grêle de coups et les encourage de la voix. Un instant, les bêtes féroces sont complètement hors de vue. À présent, les voilà qui s'avancent, plus menaçantes que jamais. Ils poussent des hurlements rauques. Adona perçoit leurs yeux de braise. Elle distingue même leurs courbes bruns et velus. Sans réflexion oiseuse, elle arrache sa précieuse pelisse et l'abandonne à ses cruels adversaires. Une fois encore, il s'arrête. Une fois encore, Adona réussit à précipiter l'allure de ses chevaux. Elle se tenait debout maintenant, le fouet dans une main, les rênes dans l'autre. Elle était pâle, mais résolue. Les chevaux s'épuisaient. Elle regarda en arrière. Les loups arrivaient en horde sauvage. Elle posa tranquillement son fouet, tira ses pistolets de sa ceinture et visa celui qui était à leur tête. Alors, comme il se préparait à sauter sur elle, elle fit feu. Il eut un éclair, un coup, et l'animal gigantesque se tordit dans son sang avec un râle horrible. Ses compagnons, rendus furieux par la faim, se jetèrent sur lui et le dévorèrent. Dans sa plus grande détresse, Adona remarqua un bâtiment qui se profilait sur le ciel, baigné dans un rayon de lune. C'était un de ces hangars comme s'en construisent l'été les gardeurs de chevaux afin d'y chercher refuge en temps d'orage. Adona y dirigea sa course affolée. L'horrible bande la serrait de près. Un nouvel instant de relâche était nécessaire. Elle fit appel à un moyen désespéré. D'un coup de revolver, elle brûla la cervelle du plus faible de ses coursiers et à l'aide d'un poignard qui ne la quittait jamais, elle trancha les traits. Le pauvre animal s'affaissa, chercha à se relever et retomba agonisant dans la neige. Il poussa un hennissement déchirant et essaya de se mettre en défense contre les bêtes sanguinaires qui se pressaient autour de lui. Lorsqu'Aldona lui jeta un dernier regard, elle sentit les larmes s'amasser sous ses paupières. Mais elle se trouvait dans un de ces moments où l'on ne songe, où l'on ne peut songer qu'à sauver sa vie. Elle frappa violemment le cheval qui lui restait. Celui-ci boitait et n'avançait qu'avec peine. Elle allait échouer, tout près du port. Derrière elle, la meute s'avançait, plus ardente, plus affamée. Les hurlements redoublaient. Le cheval, glacé d'épouvante, à bout de force, perdit pied. Adona lui appliqua avec le manche de son fouet un coup si terrible qu'il se redressa et s'emporta. Il reprit sa course, tenta un effort suprême, puis son souffle s'arrêta. Devant le hangar, il s'abattit. D'un bond, Adona fut hors du traîneau. Elle gravit lestement l'échelle qui conduisait au grenier à foin. Elle n'eut que le temps d'y arriver et de renverser l'échelle. Déjà les loups se pressaient sur la place en écumant. Elle entendit encore les hennissements désespérés de son cheval, les hurlements infernaux des bêtes fauves, puis elle s'évanouit. Une violente détonation la rappela à elle. Elle se leva. Au dehors, des coups de feu s'entrecroisaient. Ils se succédaient avec rapidité. Plus de doute, c'était le secours. En un instant, elle recouvra toute son énergie. Elle courut vers la porte entrebâillée qui lui avait livré passage et adressa des signaux avec son mouchoir. « Regardez, la voilà !» cria une voix bien connue. Adona vit des torches flamboyer, des clameurs frappèrent ses oreilles. Elle reconnut ses serviteurs qui ramassaient l'échelle et l'adressaient contre le hangar. Elle se hâta de descendre, saluée par les cris de joie de ses gens. Comme elle atteignait le dernier échelon, Igor s'avança, lui prit les mains et les baisa avec frénésie. Peu de temps après avoir quitté Adona, il était revenu au château où on l'avait instruit de son expédition aventureuse. Une inquiétude indicible s'empara alors de lui. Il enfourcha un cheval et suivi de quelques domestiques, se mit à la recherche de la belle héroïne qui lui devait la vie. Elle le comprit, mais ne prononça pas un mot. Elle ne le questionna même pas, son cœur était trop plein. Silencieuse, elle l'enlaça étroitement et appuya sa tête contre sa poitrine. Puis, lorsqu'elle parvint à s'exprimer, « À présent, je connais le prix de l'existence, Igor, » murmura-t-elle. « Je veux commencer une nouvelle vie, à tes côtés, ami fidèle et adoré. Voici ma main. Guide-moi, je t'obéirai. » Aldona a tenu parole. Elle se laisse diriger par l'homme qui a voulu lui enseigner à apprécier la vie, en s'occupant de son prochain et en travaillant à le soulager. C'était Aldona par Léopold von Sacher-Masoch.